parce qu'il marche sans ombre. Il ne suit aucun ordre. Il connaît les heures de faiblesse. Et il frappe sans attendre. Le sable garde nos traces, mais la tempête les efface. On ne cherche pas la gloire, on cherche la victoire. Nos voix montent dans le silence, comme des dagues dans la gorge. Pas de peur, pas d'honneur, juste un homme et le feu. Je suis né dans le sang séché, mes cris sont des serments. Pas de Dieu ici, juste moi et le sang.